Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un sujet emballant. Le pont neuf empaqueté par l'artiste Christo en septembre 85. C'était hier, mais c'est aussi demain. Oui, Christo va récidiver et emballer l'Arc de Triomphe l'an prochain, du 6 au 19 avril 2020, pour être précis. Alors, y aura-t-il polémique, comme il y a 35 ans? Toujours est-il que le 22 septembre 85, badauds, touristes et parisiens pressés, c'est une seconde nature, découvrent avec stupéfaction que le pont neuf, bien mal nommé puisqu'il s'agit du plus vieux pont de la capitale, est emballé dans une immense toile et ficelé de quelques cordes. Ce jour-là, les Français assistent à la dernière œuvre de Christo, qui s'est fait une spécialité de couvrir paysages et monuments du monde entier, et qui vient de réussir là l'un de ses plus beaux coups. Derrière ce geste artistique fou, éphémère et monumental, se cache une incroyable aventure de plus de 10 ans. Une décennie de préparation, de négociation, d'information, pour convaincre les autorités publiques et les citoyens de réaliser ce qui reste encore aujourd'hui une incroyable prouesse technique, esthétique et quelque part aussi politique. Et nous voici plongés au cœur de l'art contemporain, dont le principe même est de renverser les canons de l'œuvre d'art classique. Un art du défi et de la provocation lancé aux repères traditionnels. Et de ce point de vue, le pont neuf empaqueté est un morceau de choix. Notre invité aujourd'hui, Sybille Vincendon, journaliste à Libération. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonob, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle et Jérôme Chalius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous connaissez Christo auparavant? Vous étiez au courant du projet depuis longtemps? Non, j'ai juste vu le reportage télévisé. Et j'en ai entendu parler depuis, mais c'est tout. Moi, pour trouver une semaine d'emploi, parce que je suis étudiante et je cherche un petit travail, et j'ai trouvé ça, quoi. Je prépare un DEA de communication à Arrêt Spectacle. Et j'ai entendu parler de Christo depuis déjà pas mal de temps, puisque je m'intéresse à l'art contemporain américain. Je pense que c'est très intéressant de participer à ce qu'il va faire ce mois-ci sur le Pont Neuf. Paris, 12 septembre 1985. Un peu avant 7h, ce matin-là, sur les bords de Seine, au niveau du port des Saint-Pères, en face du Louvre, on assiste à une curieuse agitation. Une foule hétéroclite d'environ 500 personnes, composée principalement de jeunes, d'étudiants et de chômeurs, fait la queue devant un pavillon de toile rayée. Et s'ils se sont levés aux aurores, c'est qu'ils ont eu vent d'une session de recrutement. Le nombre important de candidats nous rappelle qu'en cette année 85, 4 ans après l'arrivée des socialistes au pouvoir, et malgré le tournant de la rigueur, la crise économique, profonde, durable, ne s'est toujours pas résorbée, le chômage sévit. Une autre raison peut expliquer le nombre élevé de candidatures. Cette session de recrutement est originale. Le lieu d'abord, au cœur de Paris, sur la Seine. Le mystère ensuite qui l'entoure. Malgré les annonces, en effet, pas grand monde ne sait de quoi il s'agit exactement. Après avoir attendu dans le froid, les candidats entrent un par un dans le pavillon. Là sont installées plusieurs tables où sont assises 2 personnes. Un employé d'une agence d'intérim en charge des détails administratifs, un autre qui mène l'entretien d'embauche. Un entretien dont les questions sont pour le moins surprenantes. Vous intéressez-vous à l'art? Connaissez-vous Christo et son travail? Depuis quand? Et que savez-vous du pont neuf? Oui, le pont là, situé à quelques mètres. Puis on leur explique leur mission. Ils seront moniteurs. Ils devront 8 heures par jour, pendant la durée des travaux d'installation et l'exposition de l'œuvre d'art, se tenir debout sur le pont neuf pour le surveiller, le nettoyer et informer les passants, le tout au salaire minimum. Les candidats sélectionnés se lèvent, sont photographiés, un laissez-passer leur est remis. On leur confie un étrange costume. Sorte de bleu de travail, la tenue, dessinée par un créateur new-yorkais, se compose d'un pantalon et d'une veste aux larges poches. Au dos du veston, il est écrit au-dessus d'une reproduction du pont neuf, Christo 1985. Les 320 recrues se dirigent ensuite au musée d'art moderne de la ville de Paris, au centre Georges Pompidou, où ils découvrent enfin le fameux Christo. 50 ans, les cheveux longs et bourriffés, jean, basket et grosses lunettes, l'homme les attend à côté de la maquette de son projet. Les jeunes embauchés comprennent alors qu'ils se sont embarqués dans une sacrée aventure. Voici donc le pont neuf, entièrement recouvert d'un immense voile. Loin de l'image poétique qu'il renvoie, l'artiste leur explique le plus sérieusement du monde tous les détails historiques, techniques et économiques de son œuvre. Et il leur dit, vous savez, j'ai voulu faire d'un objet architectural un objet d'inspiration pour les artistes, un objet d'art tout court, qu'il devienne pour la première fois une sculpture, mais éphémère, comme mon rêve. Enchanté. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment Christo a-t-il pu recruter ces jeunes gens pour son projet et comment a-t-il obtenu le droit de le réaliser? Pour répondre à ces questions, il faut revenir en arrière, essayer de comprendre le parcours et le travail de Christo et surtout ses 10 années de réflexion, conception et négociation du pont neuf empaqueté, sa prochaine œuvre. Il faut voir que mon interprétation du pont neuf va donner une vision additionnelle sur le pont neuf qui ce sera certainement et va rester dans l'histoire du pont neuf. D'autre côté, l'œuvre aussi radicale de tous les niveaux, qui est l'œuvre qui ne peut pas être achetée, que vous ne pouvez pas vendre des tickets, qui aussi qui est l'œuvre d'art que vous ne pouvez pas emprisonner, garder, posséder. Ça, c'est ce qui oblige les gens à réexaminer leur notion de l'art. Entre Paris et Christo, l'histoire ne date pas d'hier. Né le 13 juin 1935 à Gabrovo, ville industrielle du nord de la Bulgarie, Christo Vladimirov Yavachev étudie d'abord à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia. Pendant l'année, il peint des portraits de Lénine et de Staline. L'été, il aménage le paysage traversé par l'Orient Express, donc par les touristes de l'Ouest, pour donner l'image d'un pays souriant et prospère. Mais le jeune Yavachev se sent rapidement à l'étroit dans cet art de la propagande soviétique. Alors, en 1956, à 21 ans, il se cache dans un train de marchandises et il passe à l'ouest. Direction Vienne, puis, rapidement, Paris, où il côtoie un temps sans les rejoindre, le groupe des nouveaux réalistes et sa figure de proue, le peintre Yves Klein. C'est aussi à Paris que Christo abandonne la peinture et réalise l'une de ses premières œuvres importantes. En 1962, il bouche la rue Visconti de 240 bidons de pétrole. Dans le même temps, il commence à empaqueter. D'abord des objets ordinaires, puis de plus en plus grands jusqu'aux édifices publics. En 1967, il s'envole pour les États-Unis où il bâtit sa réputation à travers des réalisations à l'ampleur monumentale. Exemple, parmi d'autres, l'empaquetage d'une côte du littoral australien ou le déploiement d'un mur de toile sur 40 km à travers la Californie. À la croisée du Land Art et de l'In-Situ, Christo distingue deux étapes constitutives de son travail. Ce qu'il appelle le software, c'est-à-dire la longue période de préparation administrative, financière et technique, et le hardware, soit l'œuvre elle-même, éphémère et fragile. À travers tous ses projets, il interroge des motifs récurrents, le monumental, la frontière, la nature, l'histoire, et enfin la toile qui vient recouvrir ou trancher l'espace ou l'édifice. Pour lui, cette entreprise de recouvrement permet à l'objet, au monument, au paysage, d'être de nouveau révélé, oui. On s'y arrête, on s'en souvient, on le regarde, autrement. Pour mener à bien ses projets, l'artiste n'est pas seul. Il est toujours accompagné de sa femme, Jeanne-Claude, une Française rencontrée à Paris, qui explique l'un des enjeux essentiels de l'art de Christo, son financement. Christo dépense pour ses projets l'argent qui est à lui et qu'il pourrait dépenser à n'importe quoi d'autre. Il pourrait acheter des diamants à sa femme. Et Christo fait des dessins qui sont très beaux, qui ont une valeur marchande, vend ses dessins au musée, à des galeries et à des collectionneurs privés. Et avec l'argent, nous le dépensons pour notre plaisir. Et notre plaisir, c'est de faire des projets de Christo. À Christo, la création, à Jeanne-Claude, l'organisation. Vu la complexité des œuvres conçues, la lenteur des procédures administratives et techniques, le couple mène toujours plusieurs projets de front. Ainsi, c'est dès 1975 que Christo réalise les premières esquisses de l'œuvre intitulée « Le pont neuf empaqueté ». Dans un premier temps, il a pensé au pont Alexandre III, avant de se rabattre sur le plus vieux pont de Paris. Son architecture, sa position au cœur de la capitale, son histoire, tout concourt à le choisir. Un texte accompagne les dessins. Après avoir justifié le choix du Pont-Neuf et expliqué son œuvre, Christo le détaille. Des cordes maintiendront un tissu brillant de couleur sable sur toute la surface du pont. Les parties concernées sont les 12 arches, les parapets, les trottoirs et les lampadaires. Comme d'habitude, Christo et sa femme font assaut de précaution pour rassurer les autorités. Ils financent eux-mêmes leur projet. L'édifice ne risque rien, puisqu'aucun trou ne sera fait dans la pierre. L'événement ne dure que 2 semaines, et pendant l'installation, puis le temps de l'œuvre, la circulation piétonne, automobile et fluviale ne sera jamais perturbée. Enfin, Christo insiste, le Pont-Neuf impacté, c'est une œuvre collective. Sa réalisation implique la collaboration de nombreuses entreprises pour la confection de la toile et l'installation de la structure. Entreprise, métier, savoir-faire que Christo et Jeanne-Claude financeront. Pour l'artiste, cette démarche sociale, économique et surtout territoriale participe pleinement à son art. Tous ces projets ont une grande dimension architecturale et la planification urbaine. Ce sont des projets de territoire ou de frontières. Ce sont des projets qui sont tous installés dans un milieu manipulé par l'homme. Le dérangeant l'espace devient attirant et provocant. Moi, je pense qu'ils ont une dimension poétique. Reste maintenant à convaincre les décideurs. Ce n'est qu'en 1977, 2 ans après les premiers dessins, que Christo et Jeanne-Claude entament les premières négociations. Cette année-là, la capitale parisienne opère une petite révolution. Pour la première fois depuis près de 100 ans, elle est administrée par un maire, Jacques Chirac, en l'occurrence. C'est donc leur cible. À peine arrivé, Chirac a d'autres priorités. Puis, il n'est pas réputé pour être un passionné d'art contemporain. Alors, il faudra attendre. Mais les difficultés n'ont jamais arrêté les Christo. 2 ans plus tard, en 1979, il passe à l'offensive. Jeanne-Claude demande de l'aide à son père, le général Jacques de Guibon, héros de la Libération qui a de nombreuses entrées dans le monde politique. Ensuite, par chance, l'une des amies d'enfance de Jeanne-Claude est elle-même une amie intime de Claude Pompidou, veuve de l'ancien président et grande collectionneuse d'art. Elle possède d'ailleurs plusieurs œuvres de Christo. Séduite par son projet pour le Pont-Neuf, elle propose au couple de remettre un dossier de présentation en main propre à Jacques Chirac. La réponse du maire arrive quelques jours plus tard. Il est plutôt favorable, mais il n'est pas le seul à décider. Car ses conseillers, dont le principal, Édouard Balladur, sont beaucoup moins partants. Eux sont persuadés que les Parisiens ne croiront jamais que l'œuvre est financée par le couple d'artistes, seulement par lui. Et puis emballer le Pont-Neuf, quelle idée, se disent ces bourgeois conservateurs qui entourent le maire de Paris. Les Parisiens vont-ils comprendre l'œuvre de Christo? Une question que les journalistes ne manquent pas de poser à l'artiste. Mais pourquoi donc, Christo, vouloir envelopper ce pont? Vous savez que l'artiste était fasciné par la toile. La toile, depuis milliers d'années, dans la sculpture grecque, romaine, égyptienne, dans la sculpture gothique, vous voyez les plis de toute cette statue gothique. Oui, mais là, on parle de sculpture, mais en fait, là, il s'agit en fait de mobilier urbain, c'est-à-dire des choses énormes. C'est une sculpture... un mobilier urbain qui va devenir une tradition liée sur l'histoire de l'art, c'est-à-dire une forme faite par l'homme, ce sont des formes de Pont-Neuf qui seront drapées avec cette toile et qui rendront un volume sculptural très évident. Alors, c'est-à-dire la toile il va faire les formes beaucoup plus visibles. Au milieu de l'année 1980, l'artiste fait une rencontre décisive avec un certain Johannes Schaub. D'origine suisse, c'est un expert conseiller en gestion à Paris. Un jour, par hasard, dans une librairie, il tombe sur un livre consacré à une œuvre de Christo. Il est immédiatement impressionné par le caractère monumental du travail de l'artiste. Le 7 juin 1980, les deux hommes se rencontrent à New York. Johannes Schaub lui propose une conférence à Paris pour présenter les aspects techniques et financiers de son art. Christo refuse, mais propose une autre idée. Que Schaub organise une conférence avec des personnalités influentes et il viendra présenter son idée. Marché conclu, Johannes Schaub devient en même temps directeur du projet. Et son apport se révèle vite déterminant. Il explique au couple qu'il faut changer de stratégie, car il est vain d'essayer de convaincre directement les décideurs politiques. Non, il faut commencer par la société civile, faire connaître le projet au cœur même de la ville, dans le 6e arrondissement, auprès des habitants de la place Dauphine qui jouxte le Pont-Neuf. Oui, les informer, leur expliquer l'œuvre, ce qu'elle signifie, ce qu'elle peut leur apporter. En somme, convaincre les électeurs avant les élus. « Et voilà les cristaux embarqués dans une véritable campagne de terrain, de porte-à-porte dans les immeubles, les cafés, les commerces du quartier. Distribution de cartes postales avec des esquisses, projection de films sur les précédentes réalisations d'artistes, conférences dans les grandes écoles du pays, création d'une association de soutien baptisée Les Parisiens pour le projet du Pont Neuf. Le couple convainc même la Samaritaine, le grand magasin d'en face. Oui, juste en face du pont. Il les convainc d'exposer dans la vitrine principale une maquette de l'œuvre, large de 6 mètres. Christo et Jeanne-Claude n'hésitent pas à s'inviter à la pause déjeuner des employés de la célèbre enseigne pour leur expliquer le projet. Ils pourront ainsi informer les clients, sorte de VRP privilégié de l'œuvre. Une commerçante raconte cette incroyable campagne. Christo, enfin, a été très ténace, et il s'est beaucoup dérangé, il a monté beaucoup d'escaliers, il a visité beaucoup de commerçants, il a essayé enfin de défendre son projet, et je trouve qu'il a un certain charisme, enfin, je crois qu'il a, il a réussi à convaincre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans ce projet ? Ben, c'est-à-dire, personnellement, au départ, je n'étais pas tellement séduite, mais ce qu'il y a, le fait que ce soit éphémère, a été enfin, un des motifs déterminants. Et en plus de ça, enfin, nous pensons que, étant donné que le pont enfin, n'est pas ravalé, qu'il y a en ce moment deux couleurs, on pourra voir en une couleur ce que ça peut donner. On verra plus les lignes enfin, profondes de l'architecture du pont. Et peut-être qu'à la suite de ça, on pourra peut-être demander un ravalement du pont neuf. C'est un peu intéressé, non ? Oui, oui. Le 21 février 1982, Christo et sa femme sont reçus par Jacques Chirac à l'hôtel de ville. L'artiste prépare cette réunion depuis des années. Au cours d'une présentation passionnée devant le maire et ses conseillers, il explique de nouveau son idée, le sens et l'impact qu'elle peut avoir pour les Parisiens, les Français, la ville de Paris, et puis lui, le maire. Jacques Chirac prend alors la parole. Il est favorable au projet, il est prêt à donner son autorisation malgré les réticences de certains proches. Seul bémol, il demande à l'artiste de le reporter après les élections municipales prévues au printemps 1983. Une fois réélu, comme il le pressent, le maire lui donnera son aval officiel. Christo n'est plus à un an et demi près, hein, ça lui laisse même le temps de mettre en place la deuxième phase du projet, son organisation. Après 7 ans de négociations, le pont neuf empaqueté de Christo est enfin sur les bons rails. Enfin, pense-t-il ? Car les embûches sur son chemin seront encore nombreuses. Shout to the top, shout. 40 000 mètres carrés de toile polyamide couleur pierre d'Île-de-France, 12 km de cordes en polypropylène couleur vieille tuile du midi, des tonnes de planches, de poutrelles métalliques, de câbles, de sangles, de bandes velcro, 120 tonnes fixées par seul ceinturage, pas un seul clou dans la pierre, un millier de personnes concernées par la réalisation, géomètres, ingénieurs, administrateurs, juristes, financiers, charpentiers, bâcheurs, cordiers, alpinistes, plongeurs et lagueurs d'art, spécialistes du calcul de la force des vents, 350 moniteurs de surveillance, 3000 repas servis en 8 jours sur le chantier, des bateaux, un hélicoptère, il n'y manque même pas un académicien, professeur au Collège de France, tout ça pour 10 ans de négociations, 14 jours d'existence et 2,5 millions de dollars sans un seul sou venant du contribuable français. Le 27 août 1983, Jacques Chirac, réélu comme prévu à la mairie de Paris, tient sa promesse. Il signe une lettre d'autorisation officielle pour la réalisation de l'œuvre d'art de cristaux, le Pont Neuf empaqueté. L'artiste, sa femme, Jeanne-Claude, et les multiples personnes qui les accompagnent depuis le début de l'aventure se mettent alors au travail. Christo crée une filiale à son entreprise CVJ, la Pont-Neuf Corporation, pour emprunter l'argent nécessaire et financer les travaux préparatoires. Une fois encore, c'est la clé de voûte du système Christo. Aucun argent public ni commande. Tout le financement repose sur la vente de ses œuvres précédentes, des esquisses et des dessins préparatoires à des musées ou des collectionneurs privés. Pour avancer les frais, les cristaux empruntent. En somme, ils s'endettent au nom de l'art, persuadés de récupérer leur mise avec la vente future des reproductions de l'œuvre réalisée. Johannes Schaub, directeur du projet, sonde les différentes entreprises en mesure de réaliser le voile et l'installation. Ted Doherty, l'ingénieur en chef de cristaux depuis plusieurs projets, finit les plans techniques, les détails de l'opération. Et quelle opération, rendez-vous compte. Il s'agit quand même d'habiller le Pont Neuf de 40 000 mètres carrés de toile sans planter une seule épingle dans la pierre. Tout doit tenir sur un système de poids et contrepoids particulièrement complexe. Le 6 décembre 1984, Christo engage les services des charpentiers de Paris pour la maîtrise d'œuvre. L'entreprise centenaire est spécialisée dans la restauration des monuments historiques. Christo veut un test grandeur nature et il se met en quête d'un pont similaire dans la région parisienne. Il le trouve à Grès-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Le maire donne son accord pour le test, à condition que Christo finance une partie des travaux d'électrification de la ville. Eh, on n'a rien sans rien. Et au début de l'année 85, le village marnais assiste à l'arrivée d'une cinquantaine de personnes à bord d'une péniche qui se met à draper son pont. Pour le tissu, Christo passe commande à une entreprise ouest-allemande avec laquelle il a déjà travaillé. Johannes Schaub décrit ce fameux drapé. La toile recouvrira tout, c'est-à-dire elle sera attachée en partie immergée. Sous l'eau, elle va donc sortir ou jaillir de l'eau. Elle va habiller l'intérieur des arches, les façades, les tours. Elle va se jeter par-dessus les parapets, être attachée derrière les parapets. Et ensuite, il y a la même toile qui va recouvrir les trottoirs. Donc, les piétons marcheront sur de la toile comme si c'était de la neige. La répétition générale rassure tout le monde. On peut lancer les travaux. Oui, sauf que deux semaines après l'essai à Grès-sur-Loing, une nouvelle refroidit toutes les ambitions. Les charpentiers de Paris reçoivent une lettre du préfet de police de la capitale. L'empaquetage du Pont Neuf ne pourra pas être réalisé. Raison invoquée, trop compliqué pour la circulation. On reconnaît là la poésie des grands commis de l'État. On se tourne alors vers Jacques Chirac. En vain, la préfecture relève de l'autorité de l'État, pas de la mairie. Et puis, de toute façon, Jacques Chirac n'est plus très convaincu. Il souhaite revenir sur son autorisation. Il a peur pour son image. Christo et Jeanne-Claude sont donc bloqués si près du but. Pourtant, ils persistent. Il faut convaincre le nouveau gouvernement socialiste arrivé 4 ans plus tôt au pouvoir. Jeanne-Claude parvient à joindre Jacques Attali, le conseiller de François Mitterrand. Il l'invite à essayer de joindre le ministre de la Culture, Jack Lang, qui sera sensible au projet et qui pourra peut-être intervenir auprès de François Mitterrand. Histoire d'éviter les nouvelles déconvenues, il dépose aussi des demandes d'autorisation à toutes les administrations concernées, ministère des Transports, de l'Intérieur et bien sûr de la Culture, dont il réussit en mai à rencontrer Claude Mollard, le délégué aux arts plastiques de Jack Lang. Favorable à l'opération, Mollard le défend auprès de son ministre. Et ça marche. Jack Lang, lui aussi, est emballé, si je puis dire, et il en parle à François Mitterrand. Un coup de téléphone au Premier ministre, Laurent Fabius, un autre à Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, et voilà, le préfet de Paris obligé de revenir sur son avis. Bon, reste Jacques Chirac, qui a changé d'avis. Persuadé que le préfet n'autoriserait pas le projet, il n'a pas pris la peine de revenir sur son autorisation officielle. Mais oui, Johannes Schaub prévient alors la presse pour dire que l'œuvre verra bien le jour. Et c'est au tour de Jacques Chirac d'être bloqué, il ne peut plus revenir en arrière. Alors cette fois c'est bon, rendez-vous en septembre pour voir le Pont Neuf empaqueté. La presse commence à s'intéresser de près à cet artiste finalement peu connu et qui s'échine depuis des mois à emballer un pont. Pour assembler l'immense toile, Christo choisit une usine Armentières. Les journalistes découvrent ventre à terre à la rencontre du patron d'entreprise. Étant donné que nous avons un très grand atelier qui est destiné justement à faire toutes les grandes bâches et toutes les grandes réalisations telles que des cirques, nous étions particulièrement aptes à le faire. Donc mais c'est ça qui a ramené immédiatement ici, dans notre usine, ce travail extraordinaire. L'idée nous a pas paru farfelue au début ? Ben, ça paraît toujours un petit peu exceptionnel et on se demande si réellement c'est sérieux au départ. Mais au vu des réalisations précédentes de l'artiste, on était amené très vite à prendre ça au sérieux, et même très au sérieux maintenant. À l'été 1985, le temps presse désormais et les frais s'accumulent. Christo et Jean-Claude font les comptes, le budget du Pont Neuf empaqueté s'élève à 16 millions de francs. Dans les dernières semaines, les chiffres s'envolent car on entre maintenant dans la troisième phase du projet, l'installation. Un QG est mis en place dans un appartement en face du pont et sur les berges de la Seine, un curieux ballet s'organise. Après les cergrès sur loin, on a décidé de mettre la toile non pas du haut du pont vers le bas, mais de la Seine vers le haut. Alors on fait appel à des plongeurs, mais aussi à des alpinistes de Chamonix. Et tout ce petit monde se retrouve le 14 septembre sur le Pont Neuf pour l'œuvre de Christo. C'est-à-dire que là, en ce moment, elle est en train de poser les chaînes à milieu de la pile. Elle est en train de mettre des petites cordelettes pour les maintenir, pour pas qu'il y ait jusqu'au fond, pour pouvoir tendre l'étoile. Qu'est-ce que vous pensez du projet de M. Christo ? Ah ben le projet de M. Christo est très bien. Il en fait pas assez souvent en France. Christo et ses hommes ont une semaine pour installer les 40 000 mètres carrés de toile et recouvrir le Pont Neuf. Alors, tout le monde s'active, jour et nuit, les moniteurs qui surveillent, les charpentiers qui installent, les élagueurs qui élaguent. Christo, en maître d'ouvrage, dort 2 heures par nuit. Et les passants assistent incrédules à ces travaux d'une curieuse nature. Ils voient la toile découpée, accrochée aux arches et s'ouvrir comme un cocon pour être ensuite tendue autour des pylônes. Jusqu'au bout, Christo, commandant de cette armée artistique, s'emploie à mener les opérations. Et c'est lui qui, le dernier jour, emballe les 40 lampadaires du pont un à un. Finalement, le 22 septembre 1985, après 10 ans de lutte, d'espoir et de doute, le Pont Neuf est empaqueté. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens discutent. C'est la première fois qu'une œuvre d'art suscite autant de discussions entre les gens. Très très beau. Vous savez que ça va disparaître dans 3 semaines ? C'est dommage, oui, ça devrait durer beaucoup plus longtemps. C'est un autre regard, on aura pu le barbouiller, tout ça, ça l'aurait abîmé. Là, ça ne l'abîme pas, au contraire, ça valorise. Ah, ça a rajeuni le Pont Neuf. Enfin, c'est une surprise. Il faudrait faire la même chose pour tous les ponts de Paris. Jacques Chirac. Oui, sous réserve d'un certain nombre de conditions qui ont été respectées. La première, c'est que cela ne coûte pas un sou à la ville de Paris. La deuxième, c'est que ça ne gêne pas la circulation. Et la troisième, c'est que ça ne dégrade pas le Pont Neuf. Ces conditions ont été respectées. À vrai dire, je ne suis pas très très emballé. Laurent Fabius. Je trouve ça bien, parce que ça rend un monument vivant. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un pont, c'est quelque chose pour l'éternité, qui ne bouge pas. Et là, on le rend vivant. En plus, il y a des millions de gens qui sont venus le voir. Je trouve ça formidable. C'est une œuvre d'art, donc c'est quelque chose à la fois d'éternel et de fugace. Vers midi, c'est carrément éclatant, ça reflète bien la lumière. Après, vers le soir, ça rechange encore, ça devient un petit peu plus terne avec des petits reflets. Vraiment, bon, après, il y a les lampadaires, là. La toile est très très bien choisie et qu'elle renvoie bien la lumière. Ça bouge, les gens sortent, c'est chouette. Quelqu'un m'a dit hier soir, il n'a pas vu ça depuis mai 68. Bon, alors, c'est bien. Pardon, monsieur, que pensez-vous du travail de Christo ? Oh, Ça me paraît bien inutile. Fisto. Après 10 ans, nous avons fait ce travail. C'est quand même comme un télescopé, 10 ans des efforts, des choses très compliquées d'expliquer. Durant 2 semaines, Paris est en fête. L'œuvre de Christo rencontre un incroyable succès. Plus de 3 millions de personnes se rendent sur le Pont Neuf. Incroyable influence pour un édifice qui avait depuis plusieurs années, et le développement de l'Est de la capitale, perdu son rôle de centre névralgique de Paris. Tous les visiteurs en conviennent, ils avaient fini par l'oublier, ce pont, et là ils le redécouvrent. Le magicien Christo a réussi son tour de passe-passe. Il modifie la perception des Parisiens de leur ville et de leur histoire. Pendant 15 jours, ceux-ci se réapproprient cet espace de la ville. Des manifestations, des soirées, des banquets sont organisés sur le pont. L'œuvre de Christo fait événement. Le drapé monumental de l'artiste fonctionne à merveille. La souplesse de la toile épouse avec délicatesse les courbes de pierre du Pont Neuf. Un sentiment de légèreté incroyable surgit du monument. La chance a voulu que le temps soit particulièrement clément durant la période où le pont était recouvert. Ainsi, le drap à toute heure du jour et de la nuit change de couleur, donne une nouvelle texture à l'ensemble. Je recherche l'involontaire beauté de l'éphémère des cristaux pour définir son art. Le temps d'une œuvre parisienne, le Paris réussit, c'est bien qu'on puisse dire. 2 semaines plus tard, Christo désemballe le pont et repart vers d'autres aventures. La plus juste conclusion de l'histoire du Pont Neuf empaqueté vient sans doute de cet alpiniste qui travaillait sur le projet et à qui une journaliste avait demandé si cela avait un sens que Christo emballe le pont. Comme dans une définition subtile de ce qu'on pourrait appeler la beauté de l'inutile, l'alpiniste avait répondu « Mais, vous savez, moi je ne sais pas pourquoi ». J'escalade les montagnes. All I need is 5 minutes if you can see the signs. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses, following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. Saint-Père, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'emballement ou l'empaquetage, comme vous voulez, du Pont Neuf en 1985. Notre invité, c'est Sylvie Vincendon. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Libération, notre partenaire. Tiens, je vais vous faire une confidence. Ce matin, je demandais à notre jeune collaborateur, Simon Maisonneuve, qui a bâti cette émission. Je lui disais, alors, tu te souviens de ce pont? Il m'a répondu, non, j'étais pas né. Bon, bah, je lui ai dit, t'as à la fois de la chance, puis t'as pas de chance, parce que si tu l'avais vu, tu te serais arrêté devant et tu te serais dit, quelle œuvre ? Vous, Sybille, Vincent, donc quel souvenir vous en gardez ? Moi, j'en garde le souvenir d'un moment de poésie incroyable. On était sidérés par ce qui se passait. Il faut quand même se souvenir qu'on est en 85 dans une époque où il n'y a pas tant de choses que ça qui se passent dans les rues, à part le marché hebdomadaire et puis une manif de temps en temps. Et encore, on manifeste pas comme on manifeste aujourd'hui avec la sono, les ballons et tout ça. Enfin, quand les choses se passent bien, bien sûr. Oui, donc on n'avait pas du tout cette prise de l'espace public qu'on peut avoir avec un Paris-Plage, avec des piétonnisations, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y avait une espèce de surprise poétique qui était hallucinante. Moi, j'en garde un souvenir très, très fort. Et alors, surtout, quel pari technique, parce que c'est un pari artistique, bien sûr, dans la démarche. Hein, la démarche, elle est artistique. On va emballer le Pont-Neuf. Ça, c'est une démarche artistique. Mais il y a une démarche technique. C'est un vrai pari. C'est hyper compliqué, cette affaire-là. Mais il fait toujours, Christophe fait des choses très compliquées sur le plan technique. Et en plus, il en fera des encore plus compliqués quand il fera le passage sur le lac italien où il appelle ça un pierre, c'est-à-dire en gros une jetée, oui. Mais sauf que la jetée elle est en tissu, quand il fera l'emballage du Reichstag qui est encore plus considérable, et puis des choses qui sont dans des déserts et qui sont véritablement du land art, même s'il n'aime pas beaucoup cette expression. Donc de toute façon il est toujours confronté à de la technique, et ça ne m'étonne pas qu'il soit allé prendre les charpentiers de Paris. Les charpentiers de Paris, c'est véritablement la meilleure entreprise qu'on puisse imaginer. Donc, dans ce genre de choses, encore qu'ils ne doivent pas tendre tant de toiles que ça. Ils tendent plutôt des charpentes, mais bon. Ils ont un côté quand même bâtisseur de cathédrale, les charpentiers de Paris. Oui, absolument. Ils viennent de cette école-là. Mmh. Et on peut dire que cette espèce de travail tellement atypique a pu éventuellement les challenger, comme on dit en langage d'aujourd'hui. Donc, c'est pas surprenant. Mais il a un côté technique très très fort, Christo, je pense. Il y a une sorte de surprise aussi à voir que cette œuvre a lieu, alors que c'est Jacques Chirac qui est à la mairie de Paris. Oui. C'était pas forcément sa priorité. Il a pas le mal tergiversé, racontez-nous, vous avez l'air de savoir pas mal là-dessus. Non, c'est-à-dire quand on voit ce qu'a été la trace de Chirac quand il était maire de Paris, il a fait faire les pavillons Villerval sur les Halles après avoir prononcé cette phrase historique « Je serai l'architecte des Halles », on ne le félicite pas. Donc il n'avait aucun goût pour l'art contemporain, c'est pas Georges Pompidou et Claude. C'est ça, on aurait bien imaginé Georges et Claude Pompidou. Hein. Voilà, et Georges et Claude Pompidou, ils ont fait à Cajar, dans leur village natal, une galerie d'art contemporain qui fonctionne encore. Et puis on savait à quel point ils étaient passionnés par ça, ils dans leur vie privée aussi. Absolument, et Toubon aussi, dans une échelle un peu plus petite, était très comme ça. Mais chez Chirac, jamais. Chirac, on a découvert son jardin secret par la suite, plus tard. Et de toute façon, c'était pas lié à quelque chose qui avait à voir avec l'espace public. C'est quand même le seul musée où vous faites la queue pour le ticket dans les courants d'air. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Et puis, chez les Pompidou, il y a eu le centre Beaubourg, Pompidou, qui montre bien cette approche des Pompidou pour se réapproprier l'espace public avec des formes révolutionnaires. Ça, oui, mais cette alors, fameuse tuyau. On avait fait une émission là-dessus, d'ailleurs. Il faut quand même se souvenir que ce n'était pas le projet que voulait Georges Pompidou. C'était beaucoup trop révolutionnaire, beaucoup trop rebelle. Non, mais il a suivi l'avis du jury. Alors, justement, un jury, il faut arriver à être persuasif avec lui. Là, c'est aussi une des grandes qualités de Christo. Là. On l'a rencontré, c'est incroyable. Pour persuader tout le monde, il prépare tout à l'avance, ses arguments, de façon à ce qu'on ne lui dise pas « Ah ben non, c'est pas possible, parce que je pense notamment au financement ». Mais il sait bien que quand il part dans une opération de ce genre, il part pour 10 ans, pour 15 ans. Aucune de ses interventions n'a pu être faite, sans vouloir être déplaisante. Il gonfle pas des ballons comme Jeff Koons, quoi. Donc, ce qu'il fait est forcément un travail de longue haleine et la persuasion fait partie du truc. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous avez exposé, c'est aussi qu'il comprend à cette occasion qu'il faut aussi faire un travail d'influence d'abord. Au fond, il faut faire exister le projet dans le désir des gens, dans le désir du public. Créer le désir. Ouais, et après, éventuellement, les autorisations et les décisions viendront dans un second temps. Mais c'est exactement comme ça qu'on fait pour toutes les choses un peu importantes. Pour la pilule, les premiers articles là-dessus, ils ont été faits dans Elle. Oui. Et après, Monsieur De Vire, t'es arrivé. Voilà. Bon, dites-moi, tout ça pose la question d'ailleurs cet épisode-là, comme d'autres, hein, je pense aux polémiques autour des colonnes de Buren, hein, la pyramide du Louvre, ouais. Ça pose toujours la question de l'art contemporain dans la ville, qui se heurte toujours au conservatisme. Finalement, heureusement, les conservateurs se disent est-ce qu'on doit être si conservateur finalement. On s'en sort toujours, mais c'est ça la polémique toujours, l'art contemporain dans la ville. Mais là, ce qui était très touchant, c'est que précisément, c'est autant de temps, autant de travail et aussi spectaculaire pour quelque chose qui dure 15 jours. Ouais. C'est il y a une espèce de générosité là-dedans qui est folle quand même quand on y réfléchit, avec une finalité fonctionnelle zéro. À part que, effectivement, ça a arrêté la circulation automobile. Ça, je peux vous le garantir. Il y avait le sol était couvert par le tissu. Vous ne faisiez pas passer une voiture. Donc, ça aussi, ça faisait partie, je pense, de la magie du moment. Parce que, du coup, ça restitue une espèce de silence sur les lieux qui est très, très précieux. Je voudrais avoir votre sentiment sur deux autres aspects de cette affaire, là. Cette organisation socio-économique de l'œuvre. C'est intéressant de voir aussi les travailleurs de l'usine, où il y a eu le test, là. Les alpinistes, des hommes grenouilles. Moi, ce qui me frappe, c'est cette capacité qu'a Christo de fédérer des gens, hein, qui, dans leur activité professionnelle, n'ont pas forcément d'inclination naturelle pour ce genre de travaux. Quel est votre sentiment là-dessus? Ils fédèrent, ça, c'est sûr, mais ils peuvent avoir aussi une fierté à participer à quelque chose qui est quand même artistique et qui est quand même historique. Donc, pouvoir avoir dit dans son métier « j'y étais et je l'ai fait », c'est quand même pas rien. Et puis, il y a ce deuxième élément-là, cette campagne de terrain, c'est assez formidable quand il va dans le grand magasin en face et qu'il fait des salariés, des employés de ce magasin, des VRP. Il fait une campagne comme un candidat à la primaire, si j'ose dire. Il fait son lobbying, il fait exister son idée avant même de demander, ou en tout cas d'obtenir, les autorisations et tout le bazar administratif qui va avec ce genre de projet. Il y a un an et demi, notre ami Augustin Trapenard, de chez France Inter, recevait Christo qui lui expliquait ce qui, selon lui, fait le plus sens dans son œuvre. Parce qu'on va parler du sens maintenant, de l'œuvre de Christo, on écoute. L'essence de nos œuvres, c'est la liberté. Nos œuvres ne peuvent pas être achetées. On ne peut pas avoir l'étiquette de les voir. Elles sont là. Même nous ne sommes pas les propriétaires, parce que le principal de liberté, il est contre la propriété. Propriété, on l'enferme, c'est à vous, vous le gardez. Et si l'œuvre existe, quand l'œuvre est réalisée pour ce jour précieux de 2 semaines, il n'est plus à nous. Elle appartient dans des espaces physiques, les gens le usent à cet espace physique, et il part pour toujours, jamais de nouveau. Nous faisons jamais de nouveau un autre projet impacté ou un autre portique comme Central Park ou une autre barrière qui courante. Tous nos projets sont des images uniques, des œuvres uniques. En fait, vous prenez quand même le contre-pied de la société de consommation, de la culture de masse, Christo. Bien sûr. Nous approprions l'espace public qui vient par de notre œuvre. On n'a pas inventé cet espace, on le loue, on l'approprie pour quelques jours et pour quelques jours, on le retourne de gens de nouveau. C'est vrai qu'il y a un travail sur finalement la mémoire locale, la mémoire d'une ville avec normalement l'impactage de ce pont neuf. Oui, il y a quelque chose de très émouvant dans le fait que précisément, il faut en profiter, c'est comme un coucher de soleil, quoi. Il faut en profiter au moment où ça se passe, parce que ça va changer, ça va disparaître et ça restera uniquement dans des souvenirs. Et en plus, je pense que ce qui était touchant à l'époque, alors ça fait un peu vieillot de dire ça, mais c'est comme les gens n'avaient pas tout ce matériel électronique qu'ils ont aujourd'hui, alors je dis pas qu'ils n'avaient pas d'appareil photo, bien sûr qu'ils en avaient. Mais ils regardaient beaucoup plus les choses en direct. Ils n'étaient pas tout le temps en train de prendre les choses à travers un écran, à travers une image artificielle. Et je pense que ça donnait une espèce de sincérité sur le lieu. Et la personne qui était interviewée sur le moment qui disait « les gens se parlent », c'était vrai. Donc, c'était un lien social aussi. Ah oui, formidable. Il y a aussi une dimension symbolique qui est belle. Finalement, qu'est-ce que c'est un pont? C'est à la fois une frontière, Mais c'est surtout une passerelle qui abolit les frontières. Il y a les deux là-dedans. Oui, absolument. Absolument. Le pont, c'est plein de symboliques qui sont très, très fortes. Et on le voit d'ailleurs dans les ingénieurs qui font des très grands ponts. Il y a un truc qui est, quand vous avez réalisé le pont de Millau, je pense que vous pouvez aller vous coucher le cœur content, quoi. Oui. Et donc, celui-là, il avait pour lui d'être notre vieux pont bien assis, bien en pierre, qu'on appelait Pont Neuf parce qu'il était neuf à l'époque et que c'est le plus vieux de Paris. Ça nous a toujours fait rire quand on était gamin et qu'on nous apprenait ça. Et puis là, tout d'un coup, effectivement, la légèreté qui vient dans cette façon de faire jouer la lumière sur ce tissu, fort bien choisi par ailleurs, car vous avez raison, Christo, c'est un technicien. Ouais. Pas n'importe quoi. Et puis ça nous rappelle qu'on a, il y a longtemps, tant jadis, on habitait sur les ponts. Ah oui, voilà. C'est un grand fantasme d'architecte, bien, ça. Et on imagine bien. Brice Drouel. Alors, on va revenir sur le caractère économique de l'entreprise. Christo, on le rappelle, hein, toutes ses œuvres sont financées par lui-même et par sa femme. Il ne vend pas ses œuvres. Il vend des idées d'œuvres. Or, voilà, c'est un aspect qui a été critiqué par les critiques d'art, dont c'est le métier de critiquer, évidemment. On va les écouter. Nous sommes en 1985, au moment de l'œuvre, et vous allez entendre plusieurs critiques qui discutent passionnément de ce sujet. Pour cet événement de Christo, je rends hommage à son service de publicité. C'est tout. Donc Christo est un homme d'affaires. Christo est un grand homme d'affaires. Radio l'a interviewé tous les jours. Oui, mais ce n'est pas le problème. Je l'ai entendu moi-même. Allez. Si c'est le problème, parce qu'il crée un événement de toutes pièces. Voyez-vous, je crois que dans les années 60, le travail de Christo se plaçait dans une contestation qui allait contre l'art tel qu'on le pratiquait dans les musées. Aujourd'hui, tout cela est terminé. Et Christo continue d'emballer. Aujourd'hui, tout cela est dépassé. Et ce que je trouve vraiment incompréhensible en tant que critique d'art, c'est qu'on nous parlant art, nous parlons de Christo. Ce sont les sociologues qui devraient parler. Je crois que c'est important de savoir comment l'affaire fonctionne. Parce que je crois que c'est une grande affaire. J'étais l'autre jour au communiqué de presse qui a été fait par sa femme, et la manière dont procède Christo, elle est connue. Il fait des dessins, il en fait un très grand nombre, ils sont vendus, et c'est avec le fruit de ces ventes et qu'il réussit à financer ses projets. Et d'après le calcul que j'ai pu faire et d'après ce que m'a dit Madame Christo, il semblerait que les dessins pour le Pont Neuf ont rapporté autour de 40 millions. Comme l'enveloppement, bon. Comme l'enveloppement du pont neuf, de nouveaux francs, comme l'enveloppement du pont neuf coûte 20 millions, il lui resterait donc 20 millions. Donc ce que je crois, il y a là un coup de génie commercial, car c'est sa célébrité en tant que empacteur qui permet à ses dessins d'atteindre un certain prix. C'est-à-dire que je crois qu'il est obligé de faire ces choses-là pour que ses dessins puissent avoir un certain prix, sans quoi il retomberait à des prix bien inférieurs. Donc pour moi, c'est à la fois l'emprise du canular sur les esprits simples, ça je crois qu'il faut le dire, car après tout, le premier empaquetage, il date de 1920, il est de Manet, il n'est pas d'aujourd'hui. Bien avant. C'est toute la Troisième République. Et alors, je crois que c'est une fantastique affaire. Oh, les gros jaloux. Ou peut-être, d'ailleurs, ont-ils raison, je ne sais pas. Il n'y a pas un côté businessman, communicant, chez Christo. D'ailleurs, je rappelle qu'il a fait la une du Wall Street Journal en 84. Oui, mais on n'avait encore rien vu, parce que pour le marché de l'art et sa, comment dire, sa monétisation, aujourd'hui, on est quand même bien, bien plus haut que ça. Par ailleurs, le fait qu'il mette en place un système qui lui permette de financer ses installations, moi, ça me paraît quand même le minimum des choses. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si on avait payé ça avec nos impôts? Vous imaginez les cris d'orfraie? Complètement. Donc, d'une certaine façon, il a trouvé un système qui lui permet de réunir des fonds et probablement, d'ailleurs, pour certaines opérations, d'être un peu dans le rouge parce qu'il faut en vendre des dessins avant de réunir. Donc, à l'époque, c'est 16 millions de francs parce que ça donne en euros aujourd'hui parce qu'il y a des... Vous savez, on ne peut pas multiplier par 6,955 des tables. Oui, je ne le ferai pas non plus. D'accord. Voilà. Enfin, bref, ça fait beaucoup d'argent. Et le fait est qu'il s'est donné les moyens de le trouver. Et franchement, le moyen n'est pas malhonnête. Les gens, quand ils achètent les dessins de Christo, ils font aussi le pari sur la montée de la valeur des dessins en question, ce que font tous les acheteurs d'art. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase du critique qui dit « c'est un canular sur les esprits simples ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette agressivité-là? Pourquoi il y a toujours cette... Parce que l'art, ce sont des débats qui ont souvent ce ton-là. C'est vrai, même encore aujourd'hui. Ouais. Vous regardez les installations qui se font dans Versailles. Alors, passons le côté tradit d'un certain type de public, mais il y a aussi des gens qui disent « mais à quoi ça rime ?» Et ça, c'est vieux comme l'art, je pense. Mais enfin, les critiques d'art devraient connaître la beauté de l'inutile. On doit pas, par rapport à l'art, c'est absurde de dire « à quoi ça sert ?» Mais c'est surtout, là où c'est absurde, c'est que, à mon avis, quand il y a une des intervenantes qui dit « c'est les sociologues qui devraient en parler », je ne pense pas. Plutôt les urbanistes qui devraient en parler, parce que il est toujours dans une insertion dans l'espace public, dans le lieu où ça se trouve, qui est extrêmement subtil. Quand il fait les espèces de barrières de corail, comme il dit, qui sont des petits colliers roses autour d'îles qui sont au large de Miami, dans un rose de Malabar, je trouve qu'il est aussi dans le ton qui est celui de Miami. Donc, il y a... Il construit, en fait, Christo, sans jeu de mots, construit un pont entre la culture, l'architecture et l'urbanisme. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, il utilise l'espace public ou un bâtiment comme une matière première. Et ça, c'est très, très intéressant. D'autant plus que l'espace public, aujourd'hui, il est tellement massacré par une série de choses. Je passe les ronds-points, les trucs anti-stationnement, enfin bref. Oui, ça n'a pas une dimension très artistique, c'est clair. C'est clair. Et du coup, que quelqu'un rende hommage à l'espace public plutôt que de le massacrer, moi, je suis assez pour. D'ailleurs, 10 ans plus tard, Christo emballera le Reichstag, un projet qu'il avait depuis 20 ans. Je rappelle ce bâtiment à la haute signification politique à Berlin, qui était à l'époque justement entre Berlin Est et Berlin Ouest. Là, on trouve encore ce côté intrusion de l'art dans l'histoire, dans la symbolique, oui, c'est ça? Et pas n'importe où. Et pas n'importe où. Oui. Est-ce que Paris était à l'époque une ville en pointe? Je sais que ça n'a plus tout à fait le cas, mais était une ville en pointe pour ce genre de happening? Parce que Paris, c'était aussi des happenings. Alors oui, c'était des happenings, mais c'est vrai que c'est le début des grands travaux de Mitterrand dans ces années-là, donc début des années 80, donc il se passe quelque chose alors qu'il ne s'était rien passé dans Paris depuis à peu près les tours du Front de Seine, quoi, et la tour Montparnasse, donc les gens étaient plutôt traumatisés par ce genre de choses. Et de fait, la pyramide du Louvre, comme les colonnes de Buren avant, tout ça, ça fait surtout des polémiques. On n'a pas l'impression que les gens vivent... une fois que c'est ouvert, ils sont très contents et ils voient bien que pour l'image de leur ville, c'est assez plaisant. Mais le début est difficile, quoi. C'était une ville qui n'avait pas été habituée à changer. Je pense que quand même aujourd'hui, elle est beaucoup plus souple que ça là-dessus. Ouais, parce qu'elle bénéficie d'une expérience positive, puisque que ce soit sur les colonnes de Buren ou la pyramide, il y a eu beaucoup de polémiques. Et puis c'est vrai qu'une fois que c'est arrivé, bah ça s'impose, quoi. Oui, c'est ça, en mais fait. Je pense que là où la ville est plus loin aujourd'hui, c'est que c'est des choses contemporaines qui lui plaisent et d'autres quartiers et de s'étendre un peu ailleurs. Merci infiniment, Sylvie Vincent. Je vous en prie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Pont Neuf, empaqueté par Christo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires bien sûr. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Guillaume Balandras, Margot Pinel, Romain Weber et Simon Mézenob. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Chélius, Coyenne Guyenne, Hélène Bizio et Benjamin Riquet.